Vous pensez que Canadian Tire, ce sont les outils ou la quincaillerie? Mais on a aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bas prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca, 418-276-2385. Le propriétaire Ken Bennett félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Le maire de Robertval, à mes côtés, était de passage sur les ondes de CKJ hier, où on a parlé évidemment de la rencontre qu'il a eue avec le commissaire Richard Martel. Donc on écoute l'entrevue menée par Michel Tifot et Dominique Bolduc sur les ondes de CKJ avec le maire de Robertval, à mes côtés. Depuis quelques semaines déjà, on parle d'une rumeur, d'une possibilité de voir la ville de Robertval intégrer les rangs de la Ligue nord-américaine de hockey. On va en discuter avec le premier magistrat de la ville, là-bas, le maire Sabin Côté. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour, Monsieur Tifo. Vous avez eu une discussion avec Richard Martel, le commissaire de la Ligue. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rencontre, de votre tête-à-tête? Ah, ben, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est des gens sérieux, c'est des gens structurés. On a rencontré deux autres commissaires avec M. Martel. Donc, puis moi, j'étais accompagné de notre directeur des loisirs qui un peu supervise, si vous voulez, là, le projet de notre nouvelle infrastructure d'aréna. Donc, c'est un projet qu'on voulait apprendre à connaître davantage. On a reçu le cahier de charge. On est en train d'analyser la situation là, suivant la rencontre qu'on a eue avec les promoteurs de la Ligue. Qu'est-ce qu'on dit dans le cahier de charge? Est-ce qu'il y a des sommes d'argent? Est-ce qu'on parle d'un budget? Il y a un estimé budgétaire, oui, effectivement. Monsieur Martel pourrait assurément vous en parler davantage, mais la Ligue est en restructuration. C'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens positif du terme. Donc, les commissaires analysent l'alternative de d'autres marchés et tentent de réviser un cadre financier qui est plus facile à atteindre là, au niveau des petits marchés. Donc, c'est sûr que dans une démarche comme ça, il y a toujours une part d'implication du milieu. Plus les marchés sont petits, plus l'implication du milieu doit être grande. Donc, c'est en l'occurrence autour de ça que les discussions ont lieu. Dans le cahier de charge que vous avez entre les mains, monsieur le maire, est-ce que vous avez sûrement déjà regardé, les demandes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même facilement acceptables? Je vous dirais que c'est des gens expérimentés en hockey, là. Donc, au niveau du cahier de charge, c'est bien fait. Il n'y a rien de loufoque là-dedans. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est dans quelle mesure, parce que, excusez l'expression, c'est un long shot deal, là, hein. On veut pas déployer énormément d'efforts pour faire fonctionner une équipe éventuellement une année. On veut regarder pour que ce soit viable dans une dimension de pérennité. Donc non, il y a rien de loufoque là-dedans. Tout est comme je vous ai dit, la démarche est sérieuse, c'est bien structuré. Maintenant, il faut voir au niveau de la faisabilité si on est capable d'y arriver. Donc trouver les joueurs, trouver les commanditaires, trouver le financement nécessaire, puis est-ce que l'engouement autour de cette dynamique de hockey semble être assez probante. Après plus de deux semaines de rumeurs à Robertval, est-ce que déjà il y a des hommes de hockey ou des commanditaires qui se sont manifestés auprès de la ville? Non, pas pour le moment, parce que on a seulement qu'une rencontre avec les commissaires. J'ai discuté, moi, deux fois via téléphone avec M. Martel. La saison, en fait, tire à sa fin, donc le timing est bon pour analyser la possibilité. Nous, on a déjà une équipe junior du A, donc il y aura à faire aussi le post-mortem de la saison avec les administrateurs de cette équipe-là et voir eux comment ils voient ça potentiellement s'intégrer, puis comment on dynamise un pôle de hockey à Robertval. Donc, mais c'est sûr que la dimension de la Ligue américaine de hockey, je vous dirais, il faut le voir vraiment dans une dynamique. À Ville de Robertval, on essaie de tout aborder en développement durable. Donc, il faut voir la retombée communautaire, il faut voir la retombée économique aussi. C'est un projet qui est suffisamment d'envergure pour pour le travailler sérieusement, puis éventuellement évaluer correctement les retombées économiques qu'on pourra avoir de cette dynamique-là. En avez-vous discuté avec les membres de votre conseil de ville de cette demande de la Ligue nord-américaine de hockey? Oui, ça a été discuté en plénière la semaine dernière. Évidemment, on l'analyse de façon comparative. Donc, nous, la contribution éventuelle que ça pourrait représenter, ben, on le compare avec les autres choses qu'on supporte à Ville de Roberval. Donc, vous voyez, je vais en profiter pour faire ma blog, si vous me permettez. On supporte le festival d'hiver qui bat son plein présentement. Donc, il reste un week-end. La semaine prochaine, c'est Snowcross. On invite toutes les jeunes de Saguenay à venir faire un tour à Roberval pour voir les superbes compétitions de Snowcross. On supporte fortement le village sur glace aussi. On supporte la traversée du lac. Donc, on regarde ça dans une analyse comparative au conseil, là. Donc, c'est pas une effervescence de hockey qui va faire prendre la décision positive ou négative au niveau du conseil, là. C'est comme je vous ai dit. On regarde les charges financières que ça peut représenter, puis on évalue les retombées communautaires qu'on peut tirer de ça, puis après ça, ben, on va prendre les décisions qui s'imposent. Avec la traversée du lac en été, vous venez de le mentionner, M. le maire, et la Ligue de hockey nord-américaine en saison morte, le nom de Roberval pourrait être véhiculé pendant 12 mois dans l'année. Ben, définitif. Mais je suis un peu à désaccord avec vous parce qu'on est en train de prendre un super beau positionnement d'hiver. On a plusieurs activités. On a les deux Mario qu'on reçoit en hiver. On a la traversée du lac à vélo qui était la semaine passée. 250 personnes hors région. On a le festival d'hiver cette année. Fait que là où je vais dans votre sens, c'est que c'est sûr qu'on l'analyse comme étant un positionnement d'hiver favorable. Qui supporte toute la dynamique récréo-touristique hivernale. Effectivement, vous avez totalement raison. Votre amphithéâtre, le centre sportif Benoît Lévesque, vient de subir une cure de rajeunissement. Pouvez-vous nous en parler? Oui, écoutez, on est à la veille de sonner les sirènes. Je vais prendre cette figure de style-là. Donc, c'est en fin de semaine que l'utilisation du centre sportif redémarre. On a eu l'occasion de visiter, nous, en cours de travaux. Ça va être vraiment super intéressant. Le restaurant a changé de place. On se gâte avec le retour d'une pro shop dans notre infrastructure. Les gradins sont revus au grand complet. Il y a l'ajout de chambres de joueurs flambant neuf. Donc, c'est un projet dont on est, Ville de Roberval, je pense, va pouvoir être très fier. Vous allez avoir combien de vestiaires pour les joueurs, monsieur le maire? Pardon? Vous allez avoir combien de vestiaires? Avant ça, c'était 6? Est-ce que c'est toujours 6 vestiaires? Oui, on est rendu à 9 vestiaires. Ah, 9 vestiaires, aïe aïe. Oui. Donc, là, plus problématique de conflit entre, de conflit, plus problématique dans la dynamique entre les arbitres et les joueurs, plus problématique avec les filles qui s'impliquent de plus en plus au niveau de la dynamique de hockey. Donc, elles auront les chambres à elles sans être mises à l'écart. Puis plus de problématique de deux équipes qui se confrontent et qui se rencontrent dans la même sortie de patinoire. Donc non, on est très contents. Le travail a été bien fait. Puis on a une porte ouverte mercredi le 7 mars. Donc on invite toute la population de Roberval à venir voir ça, puis à venir patiner gratuitement. Puis on va finir ça éventuellement avec une vraie belle ouverture officielle. Votre centre sportif pourra accueillir combien de spectateurs? Et est-ce que ce sont des sièges maintenant ou c'est des bancs? Non, c'est des sièges. C'est des sièges avec un espace qui est agréable. Donc, c'était revu et repensé avec les nouvelles normes. Il y aura 800 places assises, en fait, et 1200 places à pleine capacité pour l'aréna. C'est à peu près les normes de la Ligue nord-américaine de hockey. Est-ce que les municipalités environnantes comme Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini, même Métabetchouan et Normandin, est-ce que ces municipalités-là pourraient s'impliquer dans le dossier de la Ligue nord-américaine, s'impliquer financièrement? Définitif. De toute façon, de mon côté, sur le plan politique, mon discours est clair. La dynamique économique du secteur, elle est MRC. Puis je vous dirais qu'on a même des projets communs avec les deux MRC, Maréchal Delaine et Domaine du Roi. Donc, mais je veux pas emboîter le pas et mettre personne dans la barre. Mais de toute évidence, ce projet-là une importance et une dimension qui pourrait excéder Ville de Roberval. Évidemment, si on emboîte le pas là-dedans, ben c'est pour attirer tous les fans de hockey du secteur, donc ceux de la Couchette comme ceux de la Dorée, comme ceux de Dolbeau-Mistassini, effectivement. C'est pas loufoque, encore une fois, de chercher ça dans une dimension plus vaste. Puis il faut pas oublier qu'on est en train de travailler fort sur l'obtention d'une desserte pour notre aéroport. Roberval, on a maintenu l'aéroport avec une accréditation pour des vols publics. Donc quand je vous dis qu'on regarde ça dans une dimension globale et de façon sérieuse, c'est dans toutes les dimensions économiques du secteur. Depuis votre rencontre avec Richard Martel, est-ce que vous suivez un petit peu plus ce qui se fait et ce qui se dit dans la Ligue nord-américaine de hockey? Honnêtement, je vous dirais que pour la saison qui prend fin, pas particulièrement. C'est sûr qu'à Roberval, on se tient un petit peu plus informé de la performance de Samuel Girard, je vous le cacherai pas. On a quand même une fierté locale qui nous attire l'œil vers la Ligue nationale présentement. Hey, vous me parlez de Samuel Girard, puis il en a été question quand il avait été changé de Nashville à Colorado. Les gens disaient, pourquoi le centre sportif qui vient d'être restauré, pourquoi ne pas l'appeler le centre Samuel Girard? Puis moi, comme chroniqueur sportif, je m'étais prononcé, je me disais, il est encore jeune pour avoir un centre sportif en son nom, parce que l'aréna porte le nom de l'ancien maire Benoît Lévesque, c'est bien ça? Exactement. Mais là-dessus, je partage votre point de vue. Je vous dirais que les proches de Samuel, on est en contact avec eux. Évidemment, on va faire une fenêtre de mise en valeur là pour la qualité de la performance des réalisations de Samuel. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit, on est peut-être un peu hâtif dans le projet. C'est pas des choses qu'il faut faire là, qu'il faut faire sur un coup de tête. C'est des choses qui doivent être réfléchies convenablement. C'est pas exclu pour le futur. Puis présentement, il progresse très bien, donc c'est très agréable à voir. Ce qui est le plus agréable à voir, c'est que quelqu'un de ce gabarit-là réussit à faire sa place à travers les gros colosses. Donc pour ma part, personnellement, comme parent de joueur de hockey, je trouve que c'est un très bon signal. Ça donne espoir à tout type de joueurs de faire leur place avec le talent puis quand on a le cœur à bonne place. C'est une belle fierté pour Roberval, surtout que Samuel, il est même revenu dans la période des fêtes chez vous, Lac Saint-Jean. Je sais pas si les gens vont pouvoir le côtoyer pendant la saison estivale, mais pour vous autres, Roberval, c'est un plus d'avoir un jeune homme comme ça qui se distingue dans le hockey professionnel? Définitif. Bon, on a d'autres bons joueurs dans la Ligue junior majeure qui viennent du coin, de Chambord et des environs. Mais oui, puis Samuel est très accessible. Samuel n'est pas, pour le moment, s'est pas pris la tête du tout. Donc, effectivement, quand il vient dans le coin, c'est toujours agréable de pouvoir le côtoyer pour les gens de la municipalité. Deux dernières questions concernant la Ligue nord-américaine. Quelle sera la prochaine étape pour les jeunes Roberval? Prochaine étape, il faut rediscuter avec M. Martel pour voir comment les réflexions ont évolué de chaque côté et comment eux, ça s'oriente dans la restructuration de la Ligue. Et après ça, c'est à venir un plan d'action si on va de l'avant, puis peut-être commencer à sonder s'il y a de l'intérêt au niveau de commanditaire majeur. C'est sûr qu'un projet comme ça, sans une implication moyen à long terme de commanditaire majeur, c'est pas réalisable. Puis nous, ben au conseil de ville, on est déjà pas mal positionné au niveau du montant maximal qu'on voudrait que Ville de Roberval intervienne dans le projet. Et les autres étapes, ben comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il y a peut-être lieu de sonder avec mes collègues des municipalités avoisinantes dans quelle mesure ils pourraient présenter de l'intérêt dans un projet comme ça. Avez-vous l'intention de venir à un match des Marquis d'ici la fin de l'année? Si on m'invite, ça va me faire plaisir d'y aller, bien entendu. Puis ça va me permettre aussi de voir quelle dynamique ça peut avoir cette ligue-là. Vous allez sûrement recevoir une invitation. Monsieur le maire, Sabin Côté, merci beaucoup. Peut-être que si Roberval jouait les rangs, dans les prochaines années, on se parlera régulièrement à la radio. Ça me fera plaisir, M. Tifo. Vous êtes pas mal fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous aussi, au revoir.